je vais ici donc voilà ma petite machine là que j'ai eue auprès de mes amis thaïlandais. Et ça, c'est le jus. Bon, c'est tout simple, hein. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez déjà découpé tout ce que vous désirez prendre comme. Parce que moi, je suis végétarien, donc j'ai un livre qui m'explique la vertu de chaque fruit. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je presse. Je presse. Je presse. Voilà. Et je suis arrivé à la fin de ma pression. Voilà le jus. Je le récolte. Donc là, et je vous signale que ça, ce sont des fruits bio. Hein. C'est bio, ça, ce que j'ai là. Donc, vous également, vous qui êtes en Afrique, vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout simple. Au lieu d'avoir une machine extractrice, ce qu'on appelle l'extracteur, moi, j'utilise ceci. D'accord? Naturellement. Là, le jus est là. Bon, il y a certains. Et puis, voilà. Voilà mon jus. C'est du jus pressé. D'accord? Je le presse à partir de ce pressoir. C'est bio. Ça n'a pas, vous n'avez pas besoin de d'électricité ou quoi que ce soit. C'est simplement, voilà. Vous voyez, j'utilise simplement mon muscle. C'est tout. Voilà ce que je fais. J'utilise mon muscle. C'est tout. Voilà, naturel. Un extracteur naturel. Et voilà le jus. D'accord? C'est là. Voilà, mon jus. Aussi simple. Et puis voilà le jus. Une fois tout est fait, là, je vais le nettoyer. D'accord? Vous voyez un restant de fruits et de jus ici. Je recouvre ça avec mes mains. Puis voilà. Donc là, je vais aller le laver. Ceci s'applique à tout fruit, hein? Ça s'applique à tout fruit. J'ai par exemple un livre intitulé le livre des protéines et des vitamines naturelles. Donc là, vous voyez, mon jus, il est prêt là. Voilà un jus naturel. J'ai tous les nutriments dans mon sang. Vous pouvez le faire, hein. Moi j'ai toute une série de différents fruits et tout ça là. Voilà, là j'ai ma machine. Je voyage même avec, rassurez-vous, quand je vais en Afrique, en Europe, en Chine, je l'ai toujours avec moi. Mes amis là même m'en veulent, ils disent, mais c'est pas possible, vous avez une très belle machine, mon chéri, vous l'avez eu où là? Je dis, ben voilà, c'est ça. Moi je suis pour la conservation. L'espace vert. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Voilà. Voilà ma machine. C'est tout. Et je la porte avec moi. Quand je voyage, je l'ai dans mon sac. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. Comment vous pouvez faire votre jus naturel, le presser. D'accord? Vous pouvez le faire avec la pomme. Tiens. Là, c'est la vitamine C que je viens d'extraire ici, n'est-ce pas? Et j'ai d'autres fruits. Je prendrai la tomate. Je prendrai également, si vous voulez, je vais également prendre, je vais également prendre, si vous voulez, voilà, là j'ai pris les pommes et la tomate. Je vais extraire. Je vais extraire le tout, hein. Je vais toujours extraire le tout. Donc, voilà ma tomate. Voilà mes pommes. D'accord. Et toujours pareil, c'est le même phénomène. D'accord. J'ai la machine, elle est là. Je presse. Je fais la pression. Voilà. Tout est pressé. Et regardez. Voilà le jus. La même chose avec la tomate. Il y a une certaine potion qu'il faut adopter. Voilà. Je fais la même chose donc avec la tomate. C'est le jus de tomate. Et tout ce que je prends là, voilà. Oh là, c'est très beau, hein? Vous voyez, c'est la tomate. Donc c'est très beau comme appareil, c'est bio. Ouais, voilà. Vous n'avez pas besoin d'électricité, voilà. Donc là, j'ai un mélange et je connais les vertus de chaque fruit que je prends là, rassurez-vous. Hein, ce que je recherche dans la pomme de France ou la pomme d'ici, je cherche ce qu'on appelle les fibres. Et les fibres, c'est très important pour vos muscles. C'est ce que je souhaite en partie de ça. Pour ce qui est de la tomate bio, je recherche quelques anti des éléments qui me permettent de renforcer ma prostate, en d'autres termes, pour éviter l'élargissement de ma prostate. Ça, c'est dans la tomate que je prends ça. Voilà. Donc, une fois de plus, voici un jus plein de saveurs. Un jus plein de saveurs. Très beau. Et voici ma machine. Et c'est aussi simple, une fois j'ai fini, ben, je la range de côté. Donc ça c'est uniquement si vous voulez avoir des nutriments sous forme de, on appelle ça, si vous voulez avoir des nutriments sous forme de liquide quoi. C'est la même chose lorsqu'on vous partez à l'hôpital, on vous injecte les aliments par IV, injection vénale, c'est ça hein? Donc, c'est comme ça. Ça facilite la vie. Et c'est portable, je vous l'ai dit. Je le porte partout où je m'en rends. Là, j'ai quelques voyages que j'effectue là. Je voyage toujours avec ça. Bon, bien sûr, j'ai une autre. Celle-là, elle me sert pour les aliments. Comme je l'ai toujours dit au public, je ne cache pas ma vie. Hein. Je suis végétarien. Donc, je fais tout le possible d'absorber uniquement des nutriments naturels. Et ça, je viens de faire ceci parce que je sors du sport. Donc, j'ai fait le yoga, j'ai fait la gymnastique, quelques exercices de musculation, exercices de karaté, donc ce qu'on appelle les katas. Et après, j'ai fait ma méditation et la méditation est finie. Là, je vais prendre ce verre de jus et je vais me doucher et après la douche, je vais manger. Okay? Et là, au feu, c'est seulement 5 minutes mes aliments. C'est-à-dire qu'il y a des légumes qui sont déjà là. J'ai le cœur de palmier que j'ai déjà préparé. Le cœur de palmier, c'est là où je reçois ma grande partie des protéines. Cœur de palmier. Et c'est fait, c'est tout. Merci de m'avoir suivi. Hein. Toujours dans le savoir. Vous devez être vert dans votre vie. Soyez